Chapitre 22, la morte. Un jour, Cascario aborda M. le Noël d'un air triste et lui dit « Je sais, signor, que vous n'êtes que le tuteur de la signora Fernande. C'est un fait connu maintenant, et je ne cherche plus à passer pour son oncle, » dit M. le Noël. « Néanmoins, » dit Cascario, « vous aimez beaucoup cette jeune fille. »« Oh, beaucoup !» dit M. le Noël. « Hélas, hélas !»« Qu'avez-vous ? Lui est-il arrivé malheur ? Lisez !» Il tendait un journal. « Oh mon Dieu !» s'écria M. le Noël, et il devint rouge, pourpre, violet, à faire craindre l'apoplexie. « Morte ? Morte ? » s'écria-t-il. Il sanglota. Il venait de lire un petit article nécrologique consacré à la mort par un journal de Naples. Le Fulminante avait obtenu de ce journal de faire composer cet article qui avait remplacé un fait divers. L'on n'avait tiré que 10 exemplaires de ce numéro ainsi préparé. Puis on avait enlevé l'article et replacé le fait divers. Le tirage avait continué. Si bien que 10 exemplaires seulement contenaient l'annonce de cette mort. Cascario, qui était un homme de bronze, ne comprenait rien à cette douleur profonde de Le Noël. Il finit par se figurer que Fernande était sa fille. « Seriez-vous le père de l'enfant ? » fit-il. « Mille excuses, signor. »« Non, je ne suis pas son père, » dit en suffoquant M. le Noël. « Je n'ai jamais même connu sa mère, mais vous m'avez donné un coup de massue. »« Et, signor, vous autres, vous êtes fait autrement que nous, et je me suis trompé. »« Je n'aurais pas cru un si terrible chagrin pour une personne qui n'est pas vôtre. »« Moi, je verrais mourir toutes mes filles que ça ne me tirerait pas une larme. »« J'espérais que vous supporteriez cela mieux que le jeune homme. » Et je comptais sur vous pour lui annoncer ce malheur et lui remettre cette lettre. « Il y a une lettre ?»« Oui, » dit Cascario. La jeune personne était aux soins d'une certaine baronne. Il tendit la lettre qui annonçait faussement la mort de Fernande. Monsieur le Noël lut avidement et apprit en détail comment Fernande était morte d'une phtisie galopante dont rien n'avait pu arrêter les progrès effrayants. Il inonda cette lettre de larmes. « Que va dire Armand » murmura-t-il. Enfin, il prit son courage à deux mains. « Où est-il en ce moment ? » demanda-t-il à Cascario. « Il fait la sieste au bord de la mer, je crois, » dit le capitaine. « J'y vais, » dit Monsieur le Noël, et il descendit sur la plage. Armand y était nonchalamment étendu. Cascario suivit de regard la scène qui allait se passer. « Voyons, » se disait-il, « comment le jeune homme supportera ce coup ?» 10 minutes plus tard, il entendait un rugissement terrible, et il voyait Armand se livrer à un excès de désespoir effrayant. « J'aime mieux ce chagrin-là que celui du vieux, » pensa Cascario. Et comme il entendit derrière lui le pas de la comtesse, il dit à celle-ci en lui montrant Armand. « Voyez si ce garçon n'a pas les allures d'un lion, comme il l'aimait, » fit-elle. Et elle se mit à pleurer de dépit. Pendant 2 jours, Armand fut inabordable et la comtesse se demandait si elle n'avait pas eu tort. Mais enfin, un soir, elle put s'approcher d'Armand. Et lui adressait des consolations hypocrites. Il l'écouta. 8 jours plus tard, il paraissait avoir reporté sur elle beaucoup de l'amitié qu'il éprouvait pour Fernande. Enfin, il finit, après une nuit où il s'était montré tendre, pour entamer la question de la fuite. « Je m'ennuie mortellement ici, » dit-il à Bianca. « Coûte que coûte, je veux en sortir. » La comtesse éprouva une grande joie. « Il y vient, » pensa-t-elle. « Je m'apprêterai volontiers à te faire évader. » dit-elle, mais ce serait te perdre. Tu me suivrais. M'aimes-tu donc assez pour que je puisse trahir mon père, le quitter, et me donner à toi, qui m'abandonnera quelques jours, pauvre et sans ressources ? Armand fit les plus belles protestations. La comtesse avoua la joie de ces déclarations de fidélité et d'amour. Je vais, lui dit-elle, mûrir un plan. Armand annonça cette bonne nouvelle à M. le Noël et lui dit : Nous pourrons donc venger Fernande. La comtesse demanda une entrevue au Fulminante. Celui-ci se rendit à son appel. Ils se virent dans cette forêt où Cascario avait fait dresser la table du dîner certains soirs. La comtesse fut frappée de la tristesse du chef et de son air sombre. « Madame, » dit-il à la comtesse en l'abordant, « vos prévisions se réalisent. Avant peu, les journaux de Naples enregistreront le réel décès de Fernande. « Pauvre fille, » dit la comtesse, et elle pensait, « Je serai jamais débarrassé d'elle. » Elle reprit. « Je suis désolé que la chance ne vous favorise pas. Je vous souhaite le bonheur. En tout cas, je vous donnerai la puissance, car tous les bohémiens d'Italie sont à vos ordres. Vous avez dû recevoir l'avis de leur roi, qu'il se mettrait avec toutes les tribus à votre disposition. » Le fulminante baisa la main de la comtesse. « Je vous remercie. Vous entendrez parler de grandes choses. Je guérirai mes chagrins d'amour par des triomphes éclatants. Mais veuillez me dire ce que je puis faire pour vous et pourquoi vous m'avez demandé. Je voudrais avoir l'air de fuir avec Armand, dit-elle. Il consent à me suivre. Mais s'il allait venir à Naples, Fernand va mourir, dites-vous. Peu importe donc. Je ne voudrais pas qu'il vînt se placer entre cette mourante et moi. » Il réfléchit. « J'ai un navire dont l'équipage m'est dévoué, dit-il. Nous pouvons arranger cette fuite. Peu vous importe que le bâtiment vous emporte au loin, n'est-ce pas ? Plus j'irai loin avec lui, plus je me sentirai heureuse de le tenir entre ciel et mer, seule femme en face de lui. Mais voudrait-il rester à bord ? Il le faudra bien. Le navire sera monté par d'intrépides contrebandiers à mes ordres. Vous lui direz que vous avez fait marcher avec ces contrebandiers pour qu'ils croisent en vue de la côte, et vous fuirez à la nage avec lui jusqu'au navire. Une fois en mer, les contrebandiers déclareront qu'ils vont en Angleterre et c'est un long voyage. Ils déclareront qu'étant suspects, ils ne veulent débarquer dans aucun port. Votre Armand devra donc subir cette traversée. Moi, j'aurais avisé pour Fernande, qui peut-être sera morte, car elle est d'une faiblesse inouïe. Et les chiens, fit la comtesse, vous direz que vous les avez endormis. Et les brigands, vous leur aurez donné de l'opium. Mais si Armand voulait les massacrer, vous lui ferez jurer de n'en rien faire. » Elle fit une objection. « Armand et moi, dit-elle, nous allons connaître la position de votre grotte. Cela n'importe pas, dit-il. Depuis quelques jours, je ne tiens plus à cacher ce secret. J'ai des visées nouvelles. Tout est bien, dit-elle. Je vous écrirai toutes mes instructions détaillées, dit le fulminante. Je vous laisse, ayant pour vous bonheur et espoir. Je pars désolé. « La gloire vous consolera, dit-elle, et ils se quittèrent.